travail, ben aïda n'a ou pour faire. Quand les autres, ils préfèrent aller suer. Pas le biban quand les là, les juste pour faire la plan. Côté la case, mais depuis ton petit son nom la fine quitte à elle. Mais soi-disant la trouve la famille pour ramasser à elle. Mais mon Dieu Seigneur, sur ma maille là, nana courage. Jessica, t'es un petit mamzelle côté la case. Mais depuis ton petit son nom la fine quitte à elle. Mais soi-disant la trouve la famille pour ramasser à elle. Mais mon Dieu Seigneur, sur ma maille là, nana courage. Elle n'a courage. Tout gros travail, banaï de la bouffée. Pourquoi il fait ça? Quand les autres, ils préfèrent aller suer. Pas le biban, quand les lalèges, ils sont bouffés là. Ah non, ah non. Ah, Jessica n'a courage. Elle n'a courage. Tout gros travail, banaï de la bouffée. Pourquoi il fait ça? Quand les autres, ils préfèrent aller suer. Pas le biban, quand les lalèges, ils sont bouffés là. Mais Jessica va point le droit. Elle a même point le droit à fêter un anniversaire. Son seul désir, c'est aller l'école ou bien la messe. Mais ou bien sinon, pour faire un travail devant la porte. Jessica a point le droit à aller en vacances. Elle a même point le droit à fêter un anniversaire. Son seul désir, c'est aller l'école ou bien la messe. Mais ou bien sinon, pour faire un travail devant la porte. Quand la fin de manger, Jessica allait faire vaisselle. Quand on l'a fini, on en a la cour et pour nettoyer. Tout de suite après, on en a l'aise pour ouvrir au soleil. Mais mon Dieu Seigneur, sur ma maille, la nana courage. Ah, Jessica n'a courage. Elle n'a courage. Tout gros travail, banaï de la bouffée. Pourquoi il fait ça? Quand les autres, ils préfèrent aller suer. Pas le biban, quand les lalèges, ils sont bouffés là. Son frère te vient voir à elle. Elle avait point le droit, raconte à Zot n'importe quoi. Si elle a dit ça, il demande à elle pourquoi elle a dit ça. Tous les décents, c'est un diplôme et poli pour prix.